Ok. Buat fumar. Cantar. On me dit que j'ai changé, mais tu sais j'ai grandi. Je t'ai dit désolé, tu m'as fait le bandit. J'ai connu la zone, mon frère est en congé. Tu m'as dit de rentrer et d'éviter les ennuis. J'allais en boîte à parfum frais. Non, jamais. T'inquiète, non, si les deux noces.